j'aurais pas le ciel au-dessus de ma tête. Soudain éclata, s'il y avait un moyen de remonter le temps, j'aurais une vie enfin normale comme avant. Caché sous mon matricule, on me dit d'avancer mais je recule. Aurais-je eu tort ou raison si je n'avais défendu ce garçon? Moi je rêvais d'une vie de famille. Ma vie s'arrêta, le ciel au-dessus de ma tête soudain éclata.